Sobrevivia. Aí tu É. me trivia. Voilà, donc, Après. c'est ça qui marche. Ah, je te jure. En plus, nous les Kabyles, nous sommes les premiers à avoir la licence. Nous sommes les premiers du Maghreb à avoir la Exactement, licence. c'est vrai en plus. Et le couscous merguez à midi, menu couscous merguez. Franchement, c'est un plat de grosse qualité qu'on a chez nous. Il se vend très bien en période d'hiver. Ah, les Français, ils adorent ça avec un bon petit verre de vin rouge et ça roule. Ça rappelle les années 1830 à Alger. Exactement. En général, les pieds noirs, ils viennent souvent chez nous. Parce que Putain, j'ai remarqué. Tizi Ouzou, Tizi Ouzou. Béjaïa, on est Tizi connu pour notre Ouzou. cuisine. Tizi Ouzou, Béjaïa. C'est pas ça qui manque. Ah, mais moi, je suis Là, les admiratif. Kabyles, c'est un sacré peuple, là, les Kabyles. Ah, je suis admiratif, moi. Là, les Kabyles, à Paris, hein, je peux te dire que. Oh, y a pas qu'à Paris, hein. Voilà, Ah, ils ont fait des millions, les enfoirés. Ils ont fait des millions. tu sais que tous les bars PMU à Lyon, t'as bar PMU, tu as le signe Amazir. Enfin, ça, c'est un Bien truc de sûr. ouf, hein. Ils Pareil te à mettent Aubervilliers, pareil à. le truc Amazir sur la devanture avec bar Bien PMU, tu sûr. vois, tranquille. Obligatoire. Puis ça cartonne, hein, la terrasse, elle est remplie dedans, café, bière, vin rouge, t'as tout ce qu'il faut, quoi. Bien sûr, ils en ratent pas une. Puis le barman avec ton accent kabyle, là, c'est. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, franchement, et le petit couscous merguez. Tu sais que leur couscous de merde, là, merguez, ils se font des millions avec ça. Hein. Des millions carrément. Bah, t'as tous les Français tu sais, qui savent pas ce que c'est un bon couscous, ils viennent bouffer cette merde à midi. Couscous merguez. Voilà, avec un petit verre de. La Un carafe bon de petit vin. Henken, un bon petit pack d'Henken qui suit. Henken ou la carafe de vin rouge. Puis voilà, quoi. Henken. Puis ils discutent avec la mama kabyle ou le barman kabyle. Et puis ils refont le monde. Hein. Non, ils repensent à leur histoire d'Algérie, au bon Ah, vieux temps. bien sûr. D'ailleurs, tu as toujours une petite photo noir et blanc de Tizi Ouzou, Ah, la exactement. Béjaïa. Tizi Ouzou, c'est toujours en noir et blanc. Et ce qui me fait rire, c'est que dans la photo, tu vois un bâtiment français. Tu sais, parce que c'était la France, en fait, là-bas. Donc, je vois pas Et le. le bâtiment n'a pas bougé encore aujourd'hui, hein. C'est le même. Tizi Ouzou. Tizi Ouzou, Béjaïa. Des Tizi Ouzou, capitale de la Kabylie. Nous sommes très ouverts, hein, en Kabylie. Ah, tu sais, ils ont deux genres de clients. Ils ont ceux qui travaillent, donc ils viennent le matin, le café noir rapide, ils se cassent. Donc en général, c'est des Français de souche ou autres communautés. Ils viennent à midi pour bouffer le couscous merguez dégueulasse. Et après, ils viennent le soir pour boire un peu et puis aller taper leur femme ou faire un accident en voiture. Taper Et leur puis, femme, et alors après ça toute la dépend. journée, alors ça c'est les Français de souche. Après toute la journée, bah t'as les Algériens, les autres, c'est-à-dire les non-Kabyles, tu sais, Wahlan, Lassima, voilà, Entmouchent, l'Abbas. Entemouchette, Annebablida. Eux, ils viennent. Par contre, le RSA, la CAF, t'inquiète, hein, ils peuvent rester toute la journée avec deux cafés noirs, le journal du tiercé PMU, Quinté Plus. Exactement, deux cafés noirs, un journal. Avec Azur. Felhat Mehenni en avant-page, et ils te font la journée. Voilà, ils sont sur la terrasse, dedans, ils refont le monde. Hein. Azul tout le monde. Azo, Azo, Béjaïa, Azul Tizi Azo. Ayeshi. Comment tu vas, Ayeshi? Ah, ça va bien, Même franchement, j'étais au bar PMU là. Azul. Azul. Ouais, Azul. aujourd'hui, c'est la journée des Attends, c'est Kabyles. pas Bazoul, hein, c'est Azul. Alors ça, c'est Ah, pas j'ai dit Bazoul, Azul, hein, c'est arrête. Azul. Ouais, comment ça, C'est j'arrive pas. C'est Mkhaouti. C'est Mkhaouti, C'est qui est la quoi colle de Kherbien. ce couscous merguez? Quelle horreur! Ouais, je Putain, suis mon un Dieu! taxi en dark taqbaylie ou là? Ouais, je Ouais, peux moi le Mkhaouti, taxi pas mal. marocain. Ah, moi le taxi Ah, marocain, si marocain, c'est Kabyle. Adam marocain. Et si Asmihi c'est ou le taxi Kabyle, marocain? c'est couscous merguez, Parle bien les c'est le Maroc. Marocains, vous êtes vraiment Moi des gens sympathiques. le taxi, tu es un islamiste marocain. Qu'est-ce que tu fais là? Si c'est vin rouge, vin rouge ou couscous merguez? Ah, Bader, Bader, t'invites n'importe qui, tes ozos, Béjaïa, t'invites Ah, n'importe qui de franchement, Marocain. aujourd'hui, on avait dit aujourd'hui c'était un space 100% Kabyle. Après, voilà. Ah, le Marocain, Ah, tu fais trop bien ah, le l'accent. Marocain, Tu le fais trop bien le l'accent. Marocain va nous vendre sa religion, là, l'islam, là. On n'en veut pas ça, nous. Laisse-moi avec mon vin rouge. Que nous en Algérie, on est plus ouvert que les Marocains. Après, voilà. Là, il est pas mal ton accent, franchement. Il a le meilleur. C'est le meilleur, monsieur Lopez. Ah, franchement. Ah, franchement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Kabylie, on a beaucoup souffert. À la France, elle nous a pas épargnés. Oh putain, non, pas toi. Alors, tiens, j'y suis Ouais, objectif. Ah, déjà tes frères. vous Oh, frère, méritez. déjà tes frères non Kabyles, on se tape les larmes, pleurer toute la journée. T'es un tour. Ouais, elle est bled. Vous méritez votre indépendance. On a pleuré, on a combattu. Puis en même temps, 132 ans, on est content avec les Français. Hein. Mais vous méritez quand même votre indépendance. Ah, franchement, l'indépendance, on l'a méritée. Hein. On l'a méritée à 100%. Ah, je peux te dire que la France n'a pas fait long feu chez nous. Grâce à notre huile d'olive Ah, l'huile d'olive de Djourjora. Les internationalement montagnes de connue. Djourjora, c'est très réputé hein, pour l'huile d'olive. D'ailleurs, Massinissa s'enduisait la rondelle Yogurta. grâce à cette petite Rome, olive. t'as oublié Yogurta. T'as oublié Yogurta. Ah, je le tiens. Ah, je le tiens. Et je le Yogurta. tiens, Yogurta. Yogurta Massinissa au Kahina. L'île d'olive Kabyle, la meilleure de la Méditerranée. C'est vrai ça ou pas? Franchement, la Kabylie, elle a des paysages franchement extraordinaires. Ah, les paysages, tu les trouves qu'en Kabylie. Hein. Au Maroc, à Ouais, je Marrakech, sais. comme elle est où? Non, non, Marocain, Marocain, non, non, c'est des mosquées, tout ça, interdit l'alcool, c'est pas bon, ça, non, non. Voilà, le Maroc, c'est... Non, non, non, c'est trop, ça me rappelle la décennie noire, la vérité, la décennie noire, tu peux rien faire, putain, tu peux même pas boire ton vin rouge tranquille. Franchement, le matin, le vin rouge, c'est obligatoire chez nous. Ah ouais, et puis le couscous merguez, et puis l'huile d'olive, la meilleure. Moi, je la mets dans la L'olive, voiture, ça refait la vidange. coronavirus en Algérie, on s'est soigné avec l'huile d'olive. Ah, moi je la mets dans le moteur il a fait 400 000 km. Sinon, est-ce qu'il y en a un qui a déjà bouffé un couscous merguez au bar PMU avec du vin rouge? Moi je suis sérieux. Non. Non, jamais. Jamais? Sûr? Quand je vois Jamais, non, sûr. leur semoule, on dirait du taboulé. Je te jure que Ouais, les j'évite. pâteux, enfin les bizarres, elles collent pas bien, elles sont pas fluides. Ouais, elle est bizarre leur semoule, elle Mais est c'est qui a horrible. eu l'idée de mettre des merguez dedans? À C'est ton le avis, Pied-Noir, hein? Bah, non? les Algériens. C'est les Non, non, mais Tunisiens. ils le font pas en Algérie. C'est ici en France Attends. ça a été C'est inventé. les Tunisiens. En Attends, général, c'est les Tunisiens qui mettent les attends, qu'est-ce que tu merguez. me dis? Ils le font pas. Ah, C'est pas oh. vrai. Ben non, parce que le couscous algérien, c'est de la semoule, des raisins secs et des œufs Non, non, non, durs. non. Le couscous algérien, c'est de la semoule. À la base, c'est de la semoule. Et ce que t'as, tu le mets dessus. Tiens, mais attends, mais c'est escargot, escargot, pastèque. Les fonds Mais de. écoute, il y a un vieux film sur YouTube. Il te montre le couscous dans les années 70-80. Et ben, c'est que de la semoule. C'est que de la semoule. Ouais, c'est la semoule blanche avec l'huile d'olive. Non, il n'y a pas L'huile d'huile d'olive, d'olive. en fait. L'huile d'olive. Ils prennent la semoule, ils la passent au micro-ondes. Attends, attends, regarde, il vient de dire huile d'olive. Mais t'as cru? Mais t'as cru Non, que. c'est vrai. Attends, attends, attends, c'est Il n'y Zitoun. avait pas de micro-ondes à Non, mais l'époque. Zitoun, mais Non, t'as non, cru. Tu sais combien aujourd'hui, ça écoute. coûte, Zitoun, en Algérie? Mais tu me fais rire, t'as cru que tout le monde fait balancer du Zitoun comme ça. T'as cru. Combien? Mais c'est de l'huile, c'est vital, là, tournesol, dégueulasse. Enfin, tournesol, l'autre, là. Mais il n'y en a plus aussi, ça. Mais non, mais attends, eux, ils font de la semoule. Le couscous algérien, à la base, c'est de la semoule. Après, qu'est-ce que. Ce que tu trouves, tu le mets dessus. Des escargots, L'huile de la de. pastèque, un rat. L'huile de Ce que moteur. tu. Mais c'est ça, il n'y a pas de. T'as cru qu'il y avait des livres de recettes, toi, Zana, t'es au temps des Mérinides avec Bien, un. dès que tu Non, mais il dis. a cru qu'il était au temps des Mérinides avec un livre de recettes sur le couscous. Mais oh, les gars, t'as cru que c'était une civilisation ou quoi, là? Protocole. Oh, ça va pas, quoi. T'as cru qu'il y avait un livre. Oh. C'est comme la pizza algérienne, la mayonnaise. Ketchup aussi, il y a deux écoles. Hein. Il y a soit ketchup, soit mayo. Ah ouais? D'ailleurs, Sinon, une omelette fois, quand choux. j'étais étudiant à Paris, je me pose, je vois un étudiant algérien de Béjaïa. Je crois que c'était un restaurant universitaire, un truc comme ça. Nous, on prend une pizza, tu vois, tranquille, Margarita. T'es étudiant, t'es pauvre, quoi, il n'y a pas de souci. Puis moi, je mange ma pizza tranquille, tu vois. Puis là, je vois le gars, il ramène des sachets de ketchup et il commence à les passer un par un sur la pizza. Je le regarde, je lui dis, putain, amical, hein, aucune critique à l'époque, je découvrais les étudiants algériens du bled, tu vois. Et là, je lui fais, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Il y a déjà de la tomate dessus. Ouais, mais non, mais non. Le ketchup, la pizza, le fork pizza. Je bais gros. Wow, je l'ai Ouais. regardé, je dis, mais j'essaie de lui expliquer par A plus B que ça va pas. Tu vois, je lui dis, écoute, ketchup, c'est pour les frites, tu vois, un sandwich, à la rigueur, mais pizza, il y a déjà quelque chose. Tu sais, j'ai expliqué, il y a déjà du gras dessus, il y a du tomate, il y a des... Le mec, il veut pas comprendre. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux réexpliquer la cuisine de base, Oh, c'est de la base. Il y a du gras, tu rajoutes pas de gras. Sinon, tu es un malade. En plus, il y avait, je sais pas, ketchup sur tomate. Je sais pas, les amis, vous en pensez, mais moi, ça me dépasse. Et je te jure, il y aurait un Italien qui serait passé par là, je pense qu'il l'aurait dégagé par la fenêtre. Parce que là, c'était... Non, il va mourir. Là, franchement, tu montes Il ça à va un pas Italien, croire. que tu mets du ketchup sur une pizza, mais oh, ça va pas. Sacrilège. Puis, Mais si, ça se mange, le pizza au arrête, ketchup. arrête, arrête. Il n'y a que eux Hein. dans le monde qui font ça. Sinon, il y a... Mais si, ça se Non, mange, arrête, Hans, arrête, arrête, arrête. arrête. Tu Arrête peux tes pas me conneries, arrête contrarier. Je sais de quoi je Arrête, parle. arrête. Ils mettent pizza et mayo sur une pizza, mais ils sont complètement mal... Mais boule, Voilà, ça normalement, se ta mange pizza, là-bas. chauffe, chauffe. Normalement, ta pizza, quand tu l'as bien faite, elle se suffit elle-même. Il n'y a rien à rajouter. À la rigueur, tu rajoutes sauce spicy, tu sais, avec le har. Non, ouais, de la sauce Voilà, piquante ou de la ou harissa. un peu d'huile d'olive, elle est déjà magnifique. On est bien d'accord, il y a une garniture. Qu'est-ce que tu fous du ketchup et de la mayo sur une pizza? Mais ils sont mal boule. Non, mais parce que eux, en fait, leur pizza, il y a que de la sauce Ouais, mais tomate regarde. avec un peu de fromage et un Ouais, mais peu d'huile regarde, d'olive ils et refont la même l'ersas. chose. C'est-à-dire qu'ils refont cette pratique en France. Et tant qu'ils la servent pas dans les Ah non, restaurants. non, mais je sais pas, ils mangent ça entre eux, de toute façon, c'est là. Après, il y a, comme je t'ai dit, le couscous algérien, c'est de la semoule, et après, tu mets ce que tu trouves. Donc, si tu as de la chance qu'il nous aide un petit morceau de gara au milieu, bon, il faut le partager en 6. Ou le lift, ou le slodia, ou la lift. J'ai jamais assisté à un mariage, Léa. Bah, écoute, déjà, goût, alhamdoulilah. Parce que, Alhamdoulilah. franchement, t'as vu les vidéos qui tournent, comment ils servent, là, les plats? Assiette en carton, Non. Cuisse de Fourchette et couteau en poulet. Cuisse de plastique. poulet, il y a encore des plumes dessus avec une couleur blanche Non, bizarre. C'est un bon. demi-cuisse de poulet. Demi-cuisse de poulet avec, on dirait le poulet, ils viennent juste de mourir, ils lui ont laissé encore des plumes. Tu sais, te le balance comme ça. C'est encore rose. Enfin, c'est rose, c'est blanc. Non, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Je sais même pas ces gens-là comment ils peuvent bouffer, je te jure. C'est des gens, ils connaissent pas l'art de la cuisine. Tu sais, c'est un peu comme, Bien sûr. tu sais, à la limite, les pays de l'Est, les Allemands, ils mangent des patates et du halouf. À la rigueur, tu dis, bon, eux, de toute façon, c'est clair, il fait froid, c'est patate halouf, tu vois. Mais eux, c'est le seul peuple de la Méditerranée qui bouffe comme de la merde. Tu vois. Bon, il y a les Égyptiens un petit peu, mais à la rigueur, les Égyptiens, ils ont fou le Hadès, tu vois. Et sinon, c'est dégueulasse, quoi. Je veux dire, il y a un problème. Mais, en Algérie, j'ai beau chercher, pourtant, j'en ai fait, hein. J'ai fait les tests, hein. J'ai fait du street food, j'ai pris panini, j'ai pris couscous, j'ai pris ce que tu veux. Tout est dégueulasse. Tout est dégueulasse. Et Oui, le seul c'est truc qui est bon, c'est tmar. Vous allez me dire, il n'y a rien à cuisiner. marre, Pardon, exactement. c'est où ça? C'est Là, où? au bord d'Algérie, j'ai visité l'Algérie. Attends, je vais vous dire une Non, chose, mais les amis, attention, par rapport aux dates. attends, je vais rectifier. Les Hein, quand je dates. dis tmar, Ah, attends, je rectifie. Hans. Quand je dis tmar, ça veut dire que c'est le seul truc mangeable. On est bien d'accord que... Oh non, Les mais c'est Non, ça mais le problème. d'ailleurs, C'est les ça le meilleurs, ils problème. sont de Biskra. De Attends, je Biskra. finis. C'est Mais ça moi, le je problème, finis. Hans. Moi, je Hans, finis Springfield. je peux en On est... placer Attends, une. je finis, après tu parles. Au niveau Tmar, on Vas-y. n'est pas au niveau d'une Medjool ou de Hajwa. Hajwa, c'est ma date préférée. Elle n'est pas marocaine. Je dois avouer, c'est la date de Médine. Elle est magnifique. Ça coûte une blinde, d'ailleurs. Hein. Si vous l'achetez, offrez-les. Tu parles des grosses, là, Mais des non, moyennes. Hajwa, c'est fait pour les beaux gosses, Ahoya. Non. Non. C'est pas mieux, Sokari? Sokali, c'est Ouais, caramel. Kali, Elle est pas mal, incroyable. mais elle est moins chère. Sokali, Non, mais incroyable. Hajwa, tu pètes un câble. Sokali, incroyable. C'est du. Mais à joie, elle est sec. Ouais, mais elle est magnifique. Il y a un goût fruité, là, tu pètes un câble. Je la conseille, hein, ça vient de Médine. Moi, ma Joule, quand elle est fraîche, là, elle Ouais, est non, mais magnifique, moi, je Medjool, elle trouve est que c'est très la bonne. reine des Non, c'est dates. la meilleure. Mais moi, je te dis qu'Hajwa, elle est C'est la reine des incroyable. dates. Ah, écoute, achète une boîte de Hajwa, après on parle. D'accord? En fait, la Hajwa, pourquoi elle est introuvable? C'est religieux. Parce que c'est la Hajwa de Médine. Parce Moi, je l'achète des fois. Hein. il y a le prophète qui a parlé dessus, c'est pour ça que les gens ils... c'est pour ça que le prix Tu est peux la cher. commander sur Internet. Non, non, le goût, il est vif, il est super. Waouh, c'est du business, tout ça. Non, mais le goût, il est Ouais, superbe. Je suis pas d'accord hein, avec toi, c'est pas c'est juste comme un. religieux. Mais Ouais. non. Hein, tu si, viens si, pas si, c'est encore. Voilà, religieux. c'est comme le lot Non, Azimzam. non, non, Parler, les mais gars. non, c'est pas religieux, mais Non, mais non. si, le prophète, il dit d'en Oui, manger 7 le mais matin. c'est parce qu'elle est bonne. Faut arrêter de dire les conneries. À un moment, elle est bonne. Elle est super bonne à la date de Médine. C'est juste pour ça aussi. C'est pas. Oui, bien sûr, religieux, ok, elle vient de Médine, c'est sympa. Et elle est super bonne. Voilà. Bon, je voulais juste revenir sur l'Algérie. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous jure, j'ai rien trouvé à bouffer. Et pourtant, j'ai été Encore une honnête. fois, Hein. tu Attends, parles. j'ai été Hein, honnête avec la Tunisie et l'Égypte. Ça veut dire que je suis ouais. pas méchant. Ouais, non, mais c'est pas ça le sujet. Oui, Hans, voilà. Encore une fois, tu as bien parlé, mais de temps en temps, tu sors des petites choses. Et on est d'accord avec toi, mais par contre, tu sors des petites choses qui ne sont pas. Enfin, tu dis qu'on aime tout petit peu. Quoi, le poulet avec des Et plumes? c'est pas grave. Non. Moi, j'ai vu des Les cuisses de dattes poulet dans des d'Algérie. mariages Les dattes algériens sur des d'Algérie. assiettes en Attends. carton avec des plumes. Voilà, je le dis. Alors, les dattes sur l'Algérie, les amis, c'est pas de la propagande, ce que je vais vous dire. C'est pas, c'est là-bas en Algérie, Je mais n'aime pas beaucoup la tournure de ta ouais, phrase. ça commence un peu comme quelqu'un de la Non, NUPES. mais sincèrement, les gars. Ah, non, J'aime on pas dirait un membre beaucoup du parti de la NUPES comment qui ça commence commence. là. Oui, Et vous allez Mamadou, fermer. je t'aime bien, Vous mais allez voilà, me t'es laisser finir ma indigène. phrase. Non, non, j'aime pas ça, là. Oui, Mamadou, je t'aime Ron, bien, c'est t'es l'avocat. indigène, mais bon, non. Il sent les débuts. Il sent les phrases de qui partent en Ouais, la couille. NUPES. C'est la Ouais, ça va partir en NUPES. C'est cacahuète, les en fait. gauchistes. Parce que Hans, son problème, Hans, c'est quoi? C'est qu'il parle bien, il parle bien, Bah mais voilà, parfois, il Springfield. balance Tu toujours une sais, tu fausse fais penser information aux gens de la NUPES. Voilà. et ça casse tout. Ça Les gens casse de la tout ce qu'il a NUPES, dit depuis attends, le début, en Ron, fait. on va dire que t'es malien, t'es un malien. Ouais, t'es le Mali, Et. Bamako, t'es bien, t'as les cheveux frisés, tout ça, mais bon, je suis désolé, mais t'es un nègre qui réussira jamais dans la vie, mais je vais t'aider. Voilà, c'est ça, comme ça qu'il fait Springfield. Il parle comme un gauchiste. Hans, c'est ça ton problème en fait. Tu commences à parler, parler, parler, et à un moment donné, tu balances une fausse information qui casse tout ce que tu as dit en fait. Et c'est ça ce qui Je t'ai m'énerve dit en qu'elle fait. est mangeable, L'autre la jour, tu étais en date. train de parler. Ouais, je t'ai dit qu'elle est L'autre mangeable, jour, la tu étais en train. mardi, elle. Mais non, c'est pas mangeable d'ailleurs, c'est classé, c'est interdit en Ouais, France. non, mais C'est attends, mais tu interdit crois que sans j'ai délire. acheté Enfin, des sans sites délire. radioactifs? Non, mais c'est Qu'est-ce ça en fait le problème. Tu es qui en est train de me interdit en dire. France? Non, mais c'est interdit les dattes en France, tout le monde le sait, les dattes algériennes. Mais non, n'importe quoi. Je vous lance un défi. Je vous lance un Je les défi. vois, moi. Je les vois, il y a les Alors, ils sont drapeaux à dessus où Auchan. il y a Mais le arrête de truc dire des à. conneries, Hey, Springfield. tu Ils vas les les vendent à acheter à Auchan. Barbès, Ils les oui. vendent à Auchan. Tiens, Elles sont mais à à Auchan Auchan. en plein Ramadan. Ils ont fait la À promotion Auchan. date Il y a d'Algérie. Medjool et Eh Degloed. Eh ouais, ben, d'Algérie. écoutez, Il y a Medjool écoutez, marocaine alors, et Degloed là, d'Algérie. Qu'est-ce que tu me parles, toi? Dans Auchan, tu trouves les boîtes. puisqu'il y a des Il y a Medjool des biscuits d'Israël. là-bas. Ok, les gars, Il y a des soyez Medjool d'Israël. intelligents. Soyez intelligents et dites-moi, montre-nous un document qui le prouve. Mais tu rigoles ou quoi là? Auchan, il y a la boîte d'Eglénol d'Algérie. Non. Mais ça. Attends, je vais lui répondre. Je vais lui répondre. Il y a une année où ils ont été refusés parce que ils ont fait les tests, je sais pas quoi, il y avait un produit interdit en Europe. Ouais, ils ont C'est trouvé. radioactif. Mais Mais sinon, ils ont il y en trouvé. a. Non, mais ils ont trouvé du Regarde. plutonium. Alors là, je suis obligé de. Allez, donnez-moi quelques secondes, Voilà, je reviens c'est vers la vous. NUPES. Je vais Voilà, c'est chercher. ça. J'ai C'est une la paille. NUPES. J'ai pas une paille. Il va aller Je au suis champ. obligé Et par d'interrompre contre, les la gars, réunion. Je vous invite à boycotter les produits venant d'Algérie. Lesquels? Parce que j'arrive pas à trouver. Tous les Ouais, produits. lesquels? Il n'y en a pas. Lesquels? Les Tektek. Les harragas. Non, mais À un t'es. moment, j'ai voulu boycotter, mais j'ai pas trouvé. Oui, moi Ouais, aussi, moi aussi, j'aimerais bien j'aimerais bien boycotter, mais je boycotter. trouve pas, quoi. Tu vois, c'est pas comme l'Espagne. L'Espagne, tu trouves, mais l'Algérie, putain, qu'est-ce que tu veux boycotter, frère? Et À part tout les. le Selecto, je vois pas ce que je vais boycotter. Putain. Vous avez pas remarqué? Moi, j'ai remarqué dans les hanouts, là, dans les quartiers, tout ça, ils vendent des msemen et des pains, là, qu'on s'appelle menoui, et avec le drapeau d'Algérie dessus. Ils sont obligés de mettre leur drapeau partout. Ouais, bon, c'est anecdotique, de toute façon, c'est dégueulasse. Donc, les Marocains, ils font C'est msemen chez eux, donc j'en ai rien à des foutre trucs de leur planière. surgelés. Laisse Oui. tomber. Ah, mais attends, Non, mais. tu sais, je vais dire quelque chose. On accueille 15 millions de touristes, probablement 25 millions bientôt, Inch'Allah. Tu crois que les 25 millions de touristes qui passent dans les rues de Chefchaouen ou de Marrakech qui bouffent un msemen marocain, tu crois qu'ils vont acheter cette merde, là? Non, mais t'es fou. T'as déjà. Non, mais. Le msemen dans la rue au Maroc, le touriste, il s'en souvient. Il sait très bien ce que c'est un msemen. Ok, arrête. C'est bon, là, tes trucs, là, dégueulasses, là, machin. C'est bon. Alors, qui va acheter cette merde? Franchement, à part sur un malentendu. C'est comme les vieux Français. nostalgique d'Algérie, il rentre dans les bars Kabyles pour bouffer un couscous de merde. Avec une merguez, on dirait un zboub au milieu. Je suis désolé. C'est des gars qui ont mauvais goût, qui savent pas ce que c'est un couscous. C'est-à-dire qu'une fois que tu as goûté un vrai couscous marocain, c'est bon, tu fermes le rideau, c'est fini. Échec et mat, il n'y a même plus à discuter, quoi. Pour ça, je te dis, le fait qu'on ait 25 millions de touristes, en fait, on vend notre savoir-faire, et là, les gens, ils repartent avec la banane, quoi. Ils sourient, ils disent, voilà, les plats marocains, zitergen, la décoration marocaine, là, ils vont même pas chercher à comparer à ça, quoi, tu vois. Donc, je m'inquiète pas, hein. C'est pas un Hanout qui va menacer notre patrimoine, hein. Les amis, Comment? justement, pour les dates, on a parlé des dates, je viens d'épingler un article qui parlait de ça. Enfin, c'est pas un article, c'est le service de consommation gouvernemental, voilà, Oui. qui parlait de effectivement les dates Oui, de c'est un dégâts. rappel de produit. C'est un Voilà, rappel. tout Ça veut dire qu'ils sont en vente. Ils étaient en vente jusqu'à qu'il y avait le rappel. Oui, non, mais ils disent alors ils disent substances allergisantes non déclarées, rappeler Oui. le produit aux ventes, à détruire le produit, rapporter le produit au point de vente, etc. Donc, du coup, justement, il y avait des substances chimiques non déclarées. En fait, ils les traitent après les J'ai vu, récoltes, il y tout a de simplement. l'uranium 238, du plutonium, il y a aussi du. Exactement. Non, mais Bah apparemment, oui, tout le non, monde arrête de le sait. rigoler, j'ai. Les expériences Arrête, nucléaires arrête, c'est là-bas. bon, fais ta blague. Moi, j'ai même vu une substance que j'avais jamais vue, du Bukhaloban. Du somnium. Ah, le somnium, il est partout, hein, même dans l'air. Alors, les amis, la conclusion, oubliez ce qu'il vous a dit Hans par rapport aux dates d'Algérie. Ne consommez pas, balancez-les, Bon, même à ok, esprit 1 euro, fieux, 1,50 euro, n'achetez c'est bon, pas. esprit fieux. Une fois, j'en ai mangé là, on me les a offerts et je sais pas, j'ai eu Alors, un effet indésirable. J'étais en train de non, dire mais c'est, écoute, moi, je vous chawa donne tous un conseil. Déjà, soyez patriote. Vous allez à Auchan, par exemple, vous trouvez les dattes marocaines, vous les achetez. Il n'y a même pas à discuter. Et je vois quelques Mais non, radins comme encore mieux, tu Springfield. vas Non, chez non, le mais Maroc. attends, attends, attends. Faut pas aller Je chez vois les Auchan, faut aller radins chez les comme Marocains. Il y a Springfield. assez de Marocains qui vendent leurs produits dans leurs boutiques. Oui, c'est encore mieux. Mais je te dis, Ouais. si t'as rien, t'as juste Auchan, t'es dans une petite ville, bah, au moins tu prends ça, il y aura une partie qui reviendra au Maroc. Moi, je dis toujours, contrairement à Springfield, qui fait le radin, il veut pas gaspiller 11 euros sur des medjool un kilo, il préfère taper des dinkles nord-tunisiennes dégueulasses pour économiser 6 euros et aller les claquer sur, je sais pas où, sur un tacos. Acheter des medjool à 1 kilo, 10, 11 euros, s'il vous plaît. C'est important. Bon, moi, je suis accro aux dattes, hein, j'en bouffe, je sais pas combien par... combien de... D'ailleurs, je commande des boîtes, vous allez rire, mais je commande des boîtes de 5 kilos sur Internet. Tellement ça me revient cher, maintenant, je suis obligé de faire des boîtes de 5 kilos sur Internet. Et les medjool, En tout cas, je je pense que c'est les radiations des dattes algériennes qui Mais parfois j'achète jamais des qui Glet Nord. Mais déjà, j'achète même pas des Glet Nord. Qu'est-ce que je vais acheter tunisien ou algérien à Springfield? Personne n'achète des Glet Nord. C'est fini, ça. Fini, ça. Est-ce que. On consommait les dates de figuig, Ziza. Ouais, par exemple. Est-ce Mais que. n'importe quelle date Ils marocaine. N'importe quelle date marocaine. se vendent nulle part. Ils se vendent nulle Est-ce part. que. Est-ce que déjà chez Pardon. nous on dit dégla? Je sais pas, mais moi, ces dates de merde, je On déteste. Elles dit sont trop sucrées. tamra. Elles attaquent les dents. Elles sont toutes petites. Moi, franchement, je préfère. On dit tamra, non? Non, Tamra. non. Ah non, je préfère me taper, je sais pas, je préfère taper dans la qualité. Hein. Non. Même si c'est deux fois plus cher les autres, c'est mieux. Voilà. N'achetez pas des dattes algériennes. Enfin, pour le reste, ils vendent rien. Apparemment, ils vendent du soda, mais bon, c'est quoi leur soda? C'est dégueulasse, quoi, putain. Déjà, boire du soda, Du déjà. Non, pétrole. mais déjà, boire du soda. Déjà, t'as un problème. Je suis désolé de vous le dire, il faut arrêter de boire du soda. Mais Hans, est-ce que tu as déjà bu du hamoud? Du hamoud bouel. J'en ai déjà Du vu, moi. hamoud soda. Ouais, J'en ai je déjà vu. l'utilise pour enlever la. Pour nettoyer. Pour Non, pour décaper. ma vaisselle, enfin les fourchettes là en Pour la Ardèche. vaisselle. Ouais. Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai. Bah écoute, moi j'ai un bon copain mécano. Quand il veut retirer des injecteurs, bah, il utilise ça pour Ça marche décaler aussi. et pour Ça décaler marche les. aussi. Ça marche très très bien. Je l'ai utilisé. J'avais un verre solitaire Hachako. Il me l'a détruit. Ouais, mais ça a Ah, détruit autre chose. c'est vrai, ça Bah, marche aussi frère, en ça a verre détruit autre chose. tu as Hein. raison. Il n'y a pas que le verre qui est parti. Ça... Hier, vous avez. J'ai perdu un rein avec. Hier, vous avez titré le space avec Garantita. Comment tu dis? Garantita et pizza. Mais c'est quoi Garantita, ça? Mais je sais pas Garantita. c'est quoi. Non, tu sais Une... pas ce que C'est c'est. une sorte, c'est une Non. sorte de, c'est une Voilà. sorte de plat qui ressemble à une Non, diarrhée. mais ben, laisse-moi lui décrire. Ok, alors, toi, tu es chez toi. Je sais qu'Aziz, ça va jamais arriver, mais il faut que tu te mettes. Voilà, si tu dois imaginer, tu dois faire un espoir d'imagination. Tu es chez toi, tu as faim. Tu es algérien, tu veux te faire plaisir avec un très bon plat. Dès que tu crois que je te parle de marqa, tagine, non, non, oublie tout ça, rabaisse le niveau. Alors, Reste concentré, reste voilà, reste concentré. concentré. Tu vas aller dans ta corbeille, là, tu vas trouver quatre patates au fond, une qui est en train d'avoir des champignons. Tu fais des épluchures. D'accord? Tu fais des épluchures, des petits morceaux, tu les balances dans l'eau, tu cuis un peu, après tu vas prendre des œufs, et vu le budget des Algériens en France, je pense que c'est des œufs de batterie. Hein. Dès que tu me sors le Indi ma grand-mère, Hetswa, elle a des œufs Beldi, non, non, non, oublie ça, oublie. Reste concentré. Ou là, des œufs à Chefchaouen, dans une ferme, je sais pas quoi, là, terroir de tes rêves. Tu prends des œufs de batterie, là, de pas cher, là, que tu trouves à Aldi ou Lidl. Les moins chers, tu balances tout ça, tu mets les patates, tu mélanges, tu mets ça dans un espèce de plat à four. Personnellement, je l'aurais gardé dans la poêle pour prendre du temps, mais eux, ils te le mettent dans un plat à four pour faire les beaux gosses. Genre, j'ai fait un hachis parmentier, tu vois. Et après, ils te mettent ça au milieu de la table et tu bouffes. Comment tu trouves, Aziz? Ah, j'ai jamais entendu parler de ça. Bah, c'est ça. Il y en a vers Oujda, Berkane, ils en font souvent. C'est Par pas cher, tu pourras contre, goûter. c'est Mais que là, c'est dégueulasse. Vas-y, si tu as besoin d'autres instructions sur comment dire, Non, d'autres non, merci. C'est développements juste quand j'ai pour. vu le titre, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça encore? J'ai tapé sur Google pour voir, mais ça m'a rien sorti. Bon, il y en a qui Carambolage. l'écrivent avec un K ou un G, ou, enfin, tu comprends pas. On a ma femme Tu mets de Carambita. Ah, voilà, Karantika. Voilà, c'est ça. Ou la Keren. Karen. Karantika. C'est fait avec de la farine de pois chiche. Ah ben attends, il y a plusieurs variantes. Hein. Enfin, tu me sors comme s'il y avait une recette. Hein. Écoute, c'est le ramassis que quand dans ta cuisine, tu n'as rien à bouffer, c'est ça. Voilà, il faut arrêter de tortiller des fesses, c'est de la merde que tu as dans ta cuisine, tu n'as rien à bouffer. Voilà. C'est tout ce que c'est. Quand tu as des œufs, des patates qui traînent, un peu de poudre. Sinon, ils ont le burek. Vas-y, tu connais le burek? Non, le burek, c'est turc. Burek, mon Alors, ils sont frère. tout fiers, Burek, ils disent, c'est... ouais, j'ai fait du burek, je viens de ma grand-mère de Blida ou de Annaba. Alors, c'est dégueulasse. C'est une pâle copie de ce que font les Turcs. Parce qu'au moins, tu tapes un. des briques, c'est des briques. C'est Burek pour eux, c'est la même chose. C'est juste des briques. Non, non, non, non, ils font à la forme turque. C'est pas brique à la marocaine ou brioette à la marocaine. Ou... Là, tu me parles de brioette ou là de quoi tu me parles? Ouais, bref, ouais, Non, c'est non, c'est pareil, pas. juste Non, non, de... pareil. Il appelle avec, Ça n'a voilà. rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les brioettes marocains, voire tunisiens, c'est différent. Là, je te parle de burek. Burek, c'est pas brioette. Ça n'a rien à voir. En fait, Borek, c'est juste la traduction de Brewet, c'est jeu, Ah, tout je connais pas le simplement. turc. Je suis désolé. Je connais pas le turc. J'ai pas été colonisé 315 ans. Je connais pas. Non, mais chauffe. C'est ce qu'ils vont faire, comme on avait dit là, le truc où ils veulent s'engager là, la BRICS. Ouais, Là, ça va être c'est le peut-être ça. spécialiste, c'est le spécialiste de Baklava là. Alors, le truc, c'est que si vous êtes allé en Turquie, si vous êtes allé dans une bonne maman Hajja turque qui fait du burek bildi, c'est très bon, ça se mange. Bon, c'est assez. Vous connaissez les Ottomans, les Turcs des steppes d'Asie, c'est toujours bon, mais c'est lourd. Il faut pas vous attendre à. C'est pas une stella fruit de mer légère, hein, qui est raffinée. Non, non, c'est lourd. Mais c'est bon, ça passe, tu vois. C'est ta faim, il fait froid. Mais eux, ils ont essayé de copier sur les Turcs. Ils ont fait un truc vraiment dégueulasse, quoi. Ils ont fait un truc, mais laisse tomber, quoi. C'est. Waouh, waouh. Mais les gars, ils ont que des copies dégueulasses. Parce que Garantita, ça vient d'Espagne. Le burek, ça vient de Turquie. Ils ont un espèce de plat, là. Ils ont essayé de faire le marqa, mais. On en parle de l'imitation, c'est même qu'ils Oh appellent là le là là là. Ils ont un AGP. plat à un moment, c'est des. Je sais pas ce que c'est. Tu vois des cuisses de poulet en forme d'étoile, avec des. Le foul ou la. Jilbena. C'est dégueulasse. La cuisse, elle a même pas d'épices. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la pizza pâte de poulet là, tu Ouais, le parles? truc qu'ils mettent là avec. Je sais pas, ils se prennent pour. Ils croient que c'est un tagine ou je sais pas, ils font un truc dégueulasse. Il y a les cuisses de poulet là avec. quelques foules ou Gilbena qui se baladent, qui se battent entre eux au milieu. Les cuisses de poulet, elles sont blanches. On dirait, putain, c'est jaunâtre blanc, comme la tapisserie là, dans les appartements. C'est dégueulasse. Putain, c'est jaunâtre partout dans ce bled. Ils ont un gâteau, il s'appelle Skran Taïf Drouge. Ouais, je sais pas, mais leur gâteau, fais attention, tu perds quatre dents. T'en bouffes deux, t'as quatre dents qui partent. On en parle de la Zlébia. Ouais, déjà, on est mal là. Leurs études vont nous achever avec leur gastronomie. Bon, bref. Est-ce que ça vous a donné envie? Ça vous donne envie d'y aller? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ah si, si, je vais aller quand Ah même. ouais, vous comprenez la souffrance d'aller dans ce bled pour manger? Parce que tout est dégueulasse. Savez, il n'y a pas beaucoup de pays où il n'y a rien à bouffer. Hein. Par exemple, l'Allemagne, ils ne savent pas cuisiner, c'est que du halouf et des patates. Les Anglais aussi, Ouais, les hein. Anglais, mais au moins tu trouves toujours fish and chips. Tu vois. Fish and chips et un peu de fish à droite à gauche. Tu peux trouver du poisson. C'est Ça pareil en passe. Algérie. En Algérie, je trouve toujours omelette frites. Mais non, mais C'est la attends, même chose. t'es malade, tu veux goûter cette omelette? Attends. Regarde. Regarde. Les œufs, déjà, tu fais confiance à leurs œufs. Et l'huile qu'ils utilisent, je sais pas si t'as vu, mais comme ils la réutilisent pendant 2 semaines. C'est la même. C'est la même tous les jours, ça tourne à plein régime. T'as goûté, t'as les traces de salive ou des autres plats des autres, quoi. En 2 semaines, gars. Une fois, j'ai bouffé un panini, je te jure, j'ai failli rester. Je me suis dit, j'ai faim, je vais faire de la street food. Alors, les paninis, déjà, ils sont tout petits. Ils sont tout petits, je comprends pas pourquoi. Et tu lui dis escalope de poulet. Normal. Tu vois, tu te dis, bon, au moins, poulet, je sais à quoi ça ressemble. Tu vois, parce que la viande d'âne, bon, après, je connais pas. Escalope de poulet, ça peut être un autre animal. Mais je me dis, bon, un cochon, c'est plus cher qu'un poulet, normalement, dans ce bled. S'il veut s'amuser à mettre du cochon. Mais le truc, c'est que j'ai ouvert le panini, j'arrivais pas à comprendre. Elle était où l'escalope? Je sais pas, vous avez vu. Vous connaissez les panini de Pobrecito là, de Géant? Vous croyez que c'est un bocadillo, un sandwich de le bled? C'est bien bien rempli, bien mastoc là. C'est un petit panini tout petit. Et l'escalope, on la voit même pas. T'es obligé d'ouvrir les. Je te jure, t'es obligé de faire un travail archéologique pour trouver l'escalope dans le panini. Puis je te dis pas, le goût, c'est dégueulasse. C'est l'huile, elle a un sale goût. Je te jure, là, alhamdoulilah, j'ai survécu à ça. T'sais, bouffer comme ça un panini, j'ai jamais retouché après. Ne bouffez jamais. Chauffe, quand vous arrivez là-bas, Ouais. ne mangez que si vous. Je sais qu'il faut que vous mangez, ne mangez que des choses qui viennent d'un arbre ou d'un truc que vous connaissez plus ou moins. Vous sentez l'odeur, ça n'a pas l'air trop pourri, vous mangez. Ne Et mangez tu penses surtout que c'est une pas, bonne idée de... n'allez pas à la boulangerie manger leur pain. Vous savez, leur pain subventionné, il est dégueulasse. C'est une brique de farine, enfin c'est blanc, et je pense que la farine, elle est coupée avec du plâtre. C'est. Non mais regarde, c'est vrai ce que je dis. Alors, et ils sont contents, hein, ils te disent, ouais, les Marocains, les Tunisiens, ils nous volent notre pain. Non mais qui va manger ton pain, regarde, mais c'est. Donc, un conseil, quand vous allez là-bas, ne mangez pas, surtout pas, ne mangez pas de viande. Non, n'allez pas D'accord? là-bas. Un conseil, n'allez pas là-bas. Ouais, mais si jamais tu es forcé à aller Erwan, là-bas, ne mangez aucune t'es déjà viande. été là-bas?